masqué. Couvre-feu, je suis pressé. Je veux pas me faire embarquer. J'ai vu mon âge, je vais plus faire la bagarre. Je t'envoie deux petits, ils vont te niquer ta mère. Tes proches en cage à cause d'état, c'est bâtard. J'ai fabriqué ma bulle, tu peux me pister de travers. J'ai acheté une Rolex, mais je mets la casio. Quand t'as 2,30, je mets un billet sur la radio. Là, c'est l'été, il commence à faire chaud. Les mamans, maintenant, sont alors que tu es dans le berceau. Ça croyait pas à moi en prison, tout choupé. Fais-moi un massage en tout choupé. J'ai mon corps, mon amour, ma poupée. Pourtant, je me suis fait beau, aujourd'hui, j'ai coupé. Ça croyait pas à moi en prison, tout choupé. Fais-moi un massage en tout choupé. J'ai mon corps, mon amour, ma poupée. Pourtant, je me suis fait beau, aujourd'hui, j'ai coupé. Merci. Lunettes, je suis masqué. Couvre-feu, je suis pressé. Je veux pas me faire embarquer. J'ai perdu déjà combien de larmes j'ai versé. Je pouvais copier avec un prochain perso. Donne des sous à ta mère si t'as percé. Si t'as vendu tes barrettes, si t'as gagné au Jersey. Ici c'est le bruit des balles qui nous ont bercé. Je suis rappelé au quartier, j'ai fini à Bercy. J'ai perdu déjà combien de larmes j'ai versé. Je pouvais copier avec un prochain perso. Ça croyait pas à moi en prison tout choupé. Fais-moi un massage en tout choupé. J'ai mon cœur, mon amour, ma poupée. Pourtant je me suis fait beau, aujourd'hui j'ai coupé. Ça croyait pas à moi en prison tout choupé. Fais-moi un massage en tout choupé. J'ai mon cœur, mon amour, ma poupée. Pourtant je me suis fait beau, aujourd'hui j'ai coupé.